Printemps-été 1679. J'ai mal dormi. Vous m'accablâtes hier au soir. Je n'ai pu supporter votre injustice. Je vois plus que les autres toutes les qualités admirables que Dieu vous a données. J'admire votre courage, votre conduite. Je suis persuadé du fond de l'amitié que vous avez pour moi. Toutes ces vérités sont établies dans le monde et plus encore chez mes amis. Je serais bien fâché qu'on pût douter que vous aimant comme je fais, vous ne fussiez point pour moi comme vous êtes. Qu'y a-t-il donc? C'est que c'est moi qui ai toutes les imperfections dont vous vous chargez hier au soir, et le hasard a fait qu'avec confiance, je me plaignis hier à monsieur le chevalier que vous n'aviez pas assez d'indulgence pour toutes ces misères, que vous me les faisiez quelquefois trop sentir, que j'en étais quelquefois affligé et humilié. Vous m'accusez aussi de parler à des personnes à qui je ne dis jamais rien de ce qu'il ne faut point dire. Vous me faites sur cela une injustice trop criante. Vous donnez trop à vos préventions. Quand elles sont établies, la raison et la vérité n'entrent plus chez vous. Je disais tout cela uniquement à monsieur le chevalier. Il me parut convenir avec bonté de bien des choses et, quand je vois, après qu'il vous a parlé sans doute dans ce sens, que vous m'accusez de trouver ma fille toute imparfaite, toute pleine de défauts, tout ce que vous me dites hier au soir, et que ce n'est point cela que je pense et que je dis, et que c'est au contraire de vous trouver trop dur sur mes défauts dont je me plains, je dis « Qu'est-ce que ce changement ? Et je sens cette injustice, et je dors mal. Mais je me porte fort bien, et prendrai du café, ma bonne, si vous le voulez bien, pour ma fille. »